seul groupe que l'on ne diffuse pas en doublette dans l'émission de ce soir, nos voisins orléanais de Ritualization, le groupe de Black Death, un peu war, un peu ouh, qui sort un nouvel EP, trois titres, c'est toujours malsain, sombre et violent ce que nous propose Ritualization. 25 minutes hein, seulement pour... 25 minutes pour seulement 3 titres, hein, donc des compos plutôt généreuses et inspirées. Ça sent le soufre et la bestialité. Ce nouvel EP de Ritualization s'intitule Emma Ignis Necros, une sortie Halloween Bonehead Production, et on s'écoutera le titre The Shapeless Scepter Ritualization tout de suite. We'll be right back. dernière doublette de l'aspect française, les Lyonnais de Animalize et les un petit peu Lyonnais de Pass of Resurgence. Animalize, récente formation de Heavy qui nous vient de Lyon, un premier EP sorti en 2020. Ils sortent là donc leur premier album studio. Du Heavy qui dégouline les années 80 et des titres chantés en français, d'autres en anglais, comme on l'a précisé la semaine dernière. Petite préférence pour ceux chantés en français, plus de personnalité, d'arrogance, de hargne dedans, je trouve. Et ensuite, Pass of Resurgence, le groupe de hardcore proche des mouvances Straight Edge, qui sort après une démo, un EP, cette fois un split, vivement l'album. Un split de titres avec une autre formation hardcore, à savoir Times of Desperation. Et c'est pour ça, sauf erreur de ma part, Pass of Resurgence, on les a mis dans l'aspect française, parce que le groupe est suisse, mais me semble-t-il qu'il y a ou qu'il y a eu des membres qui venaient des environs de Lyon. Donc voilà, peut-être que je me plante. Meet We Are Made Of, le titre de l'album de Animalize, une sortie Dying Victim Production, on s'écouterait le morceau Escorte Funèbre. Pass of Resurgence, ensuite donc extrait du split avec Time Out of Desperation, on s'écoutera le titre No Right, c'est parti. Sans prévenir. de ses ailes noires. J'apprends d'atteindre les portes de l'infini. Qui décideront de mon sort. Retour à la diff internationale avec du All Star Band en veux-tu, en voilà, The Halo Effect, du pur Swedish Melodeath, tout simplement puisque le groupe est formé par des types qui étaient vraiment à l'essence, à l'origine de ce style, hors carcasse bien sûr, puisqu'on retrouve dedans 5 ex-membres d'In Flames. Donc le projet est mené par Jesper Stormbald, et la voix c'est Michael Stein, qui bien sûr est l'emblématique et éternel vocaliste de Dark Tranquility, mais qui est passé cependant par In Flames à un moment. Voilà, on est du pur Swedish Melodeath, une sortie Nuclear Blast, c'est juste super bien fait et très bien exécuté, très bien pensé, etc. Days of the Lost, c'est le nom de ce premier album studio pour The Halo Effect. Et ensuite, nous aurons Grima dans un style bien différent. Là, on est sur un duo de black épico-atmosphérique qui nous vient de Sibérie. Cinquième album studio en à peine 10 ans d'existence, ultra prolifique le binôme donc. Une bonne plongée dans une ambiance glaciale et sibérienne, c'est à la fois froid et lumineux. Bref, Grima, faut s'y arrêter et y accorder de l'attention. Frostbitten, c'est le nom de ce nouvel effort studio. On s'écoute le titre Giants Eternal Sleep, The Halo Effect, juste avant ça, avec le titre Conditional, c'est parti. We'll be right back. On approche tout doucement de la fin de l'émission Hellbanger de ce soir. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Il nous reste trois doublettes à s'écouter. Et pour ouvrir cette nouvelle doublette, Skinflint, formation qui nous vient du Botswana. Voilà, le premier groupe que l'on diffuse originaire de ce pays. 15 ans d'existence, 6 albums déjà de sortie. Et là, il nous balance un nouvel EP, 4 titres. Musicalement, on est sur du heavy thrash assez... primitif, forcément, c'est ultra rugueux et viscéral. Le chant dénote un petit peu, ce qui est peut-être un petit peu dommage, c'est pas assez incisif justement, mais les intentions globales sont là, et on va clairement pas bouder notre plaisir. Et en doublette avec Skinflint, Protector, là on est sur du vieux groupe allemand formé en 1986. On est sur un thrash death bien old school à la sauce Creator Demolition Hammer. Pour précision, un Protector était contemporain de la création de ces formations-là. Voilà, 8e album studio. Les mecs en ont encore sous le pied, ça reste toujours très efficace et frontal pour du trash death old school qui bave et qui dégouline. Skinflint Flesh Potion, extrait de leur nouvelle EP AIDS. Protector ensuite, Infinite Tyranny, extrait de l'album Excessive Outburst of Depravity, une sortie High Roller Records. C'est parti. Avant-dernière doublette dans l'émission de ce soir, une autre doublette pleine de violence. Bon, je ne vais pas vous spoiler la suite, mais la dernière doublette est aussi pleine de violence, mais c'est pas grave, c'est ça qu'on aime, de l'extrême. Tout d'abord, Hierophant, le groupe de... initialement de Hardcore Black Sludge italien, qui nous sort là un cinquième album studio qui est vachement plus Black Death. On est dans une veine assez crue et bestiale à la sauce Ritualization. Voilà, une évolution plutôt efficace et réussie pour les Italiens de Hierophant. Ce nouvel effort studio s'intitule Death Siege, une sortie Season of Mist d'ailleurs. On s'écoutera le titre In Chaos, In Death. Et en doublette avec Hierophant, Castrator, formation américaine. Un quatuor 100% féminin, bien engagé du coup pour la défense féministe et antimachiste. Le groupe avait sorti un premier EP en 2015. Et là, voilà, elles viennent de dégainer leur premier album chez Dark Descent Records. On est sur un death traditionnel, old school. Ça révolutionne que dalle musicalement, mais les intentions sont de viscérales. Et puis ça reste très très bien fait. Castrator, Inquisition, Sins. Et on s'écoutera donc cet extrait de l'album Defiled in Oblivion. C'est parti. Let's go. Et c'est l'heure de se quitter avec la dernière doublette pour ce soir. Pour rappel, nouvelle émission dimanche prochain, cette fois en direct des studios de Radio Béton. Raptor 357 Homicide, c'est les deux groupes de la dernière doublette de ce soir. Raptor, c'est un groupe de heavy speed formé en Argentine qui s'est installé il y a quelques années en Espagne. Cet été, ils ont sorti leur tout nouveau, tout beau second album studio. Un bon donc gros condensé de heavy speed qui dégouline les années 80, des tempos qui arrachent tout. Et ça dégouline, ça déborde d'énergie bien bouillonnante. Donc voilà, Raptor à découvrir, redécouvrir avec ce nouvel effort studio intitulé sobrement Blackfire. Une autre sortie... Dying Victim Production, hein, tout comme Animal Eyes. Et en clôture de l'émission de ce soir, 357 Homicide, groupe de Slam Down qui nous vient d'Angleterre. 3 ans d'existence, second album studio. Et je me suis complètement emmêlé les pinceaux entre deux présentations de groupe. Pardonnez ma fatigue au moment où j'ai enregistré cette émission, parce que Organectomy, en fait, c'est juste un morceau où le groupe est tout seul et où ça bute. Et le titre avec Larry Wong de Fatuous Romp, c'est sur ce morceau de 357 Homicide qu'on le retrouve. Voilà, je me suis planté, mais bon, pour donner l'impression du direct, on ne coupera de nouveau pas ça au montage. Revolting Accumulation of Moldery Testes, c'est le titre de l'album Homicidal Amusement Through Supreme Exsanguination de 357 Homicide, qu'on va s'écouter tout de suite, une sortie Relative Fade Records. Et juste avant ça, Raptor avec le titre Devil Ascent, c'est quand même vachement plus souple à prononcer. Sur ce, excellente écoute, excellente fin de soirée à toutes et à tous, et rendez-vous à dimanche prochain pour une émission en direct. Ciao ciao! We'll be right back. Let's go.